faut pas croire tout ce qui se dit à la radio. Faut pas croire, parce que c'est de la radio, que c'est vrai. C'est bêtement de la radio, quoi. Micro ouvert. Wikileaks parle d'un jour sombre pour la liberté de la presse. L'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. L'éditeur du site Wikileaks, âgé de 50 ans, est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. C'était ce 17 juin, après 10 ans de procédure, dont 7 reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, que la justice britannique a autorisé l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Il encourt une peine de 175 ans de prison pour avoir publié des documents qui montrent notamment les bavures de l'armée américaine. Mais pourquoi ce jugement remet-il en question la liberté de la presse ? Free Julian Assange ! Free Julian Assange ! Voici l'un des millions de documents publiés par Wikileaks. Let me know when you have it. What you? Light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. Datée du 12 juillet 2007, la vidéo montre un hélicoptère américain tirant sur des civils à Bagdad. Un raid qui a entraîné la mort d'au moins 18 personnes, dont deux journalistes et un enfant. Publiée par Wikileaks en 2010, elle avait été transmise à Julian Assange par la lanceuse d'alerte américaine Chelsea Manning. The Hotel 26, Crazy Horse, 1-8. Oh yeah, look at those dead bastards. Ces révélations ont été publiées par de nombreux médias internationaux, dont Le Monde, le New York Times, El País, Der Spiegel et aussi Le Guardian. Elles ont valu à Julian Assange de nombreux prix de journalisme. Malgré cela, il est accusé d'espionnage par les États-Unis pour avoir diffusé ces informations confidentielles. Mais qui est Julian Assange ? Un informaticien australien qui a cofondé Wikileaks en 2006 dans le but de publier des informations provenant de documents confidentiels concernant des affaires de guerre, de corruption et d'espionnage dans les milieux de pouvoir. C'est sous la présidence de Donald Trump que Julian Assange a été accusé d'espionnage. La publication de ces documents mettrait en péril la sécurité du pays. De nombreuses pétitions demandent la libération de Julian Assange, parmi les signataires Reporters sans frontières, qui s'engagent au nom de la liberté de la presse. La seule chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir rendu accessible au public et aux médias des informations, certes confidentielles, mais d'un intérêt général. Il faut en revenir là, c'est la base même de notre métier de journaliste. C'est publier des informations que le public est en droit de connaître. Quel que soit leur statut, ça peut être des informations de sources illégales. La lanceuse d'alerte à l'origine de la fuite, Chelsea Manning, avait été condamnée à 35 ans de prison avant d'être graciée par Obama. À la différence de Manning, Assange n'a pas violé un devoir de confidentialité. Il n'était pas employé par le gouvernement américain. Il a effectivement servi un peu d'intermédiaire, de plateforme. Si on commence à qualifier ça d'espionnage, je ne sais pas où on arrive, mais disons que c'est un vrai problème pour le journalisme. L'espionnage, c'est soutirer des informations, obtenir des informations, puis les transmettre à un État étranger, une puissance étrangère. Mais c'est pas informer le public. Parmi les détracteurs d'Assange, on lui reproche de ne pas avoir systématiquement anonymisé les personnes citées dans les documents qu'il a fuités, ce qu'il conteste. Pour ses défenseurs, si Assange était condamné, cela ouvrirait la voie à une jurisprudence qui pourrait être utilisée contre n'importe quel journaliste. Qui risque quand même d'hésiter avant de publier des informations qui pourraient leur valoir des poursuites de ce type-là et une procédure d'extradition de ce type-là. Mais tout n'est pas terminé. Wikileaks a fait savoir qu'il ferait appel de la décision d'extradition devant le tribunal de grande instance britannique et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ben voilà, c'est bientôt midi. Hein. On s'est donné rendez-vous. Marie-France, j'ai pas le nom de famille. De Pré. Marie-France De Pré. Qui a lancé un mail pour parler de la sortie du livre « L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique ». Et c'est traduit en français, vous allez l'expliquer, hein, mais je présente comme ça, c'est traduit en français par Nils Melzer. Nils Melzer, c'est l'auteur. Ça a été traduit en français par une... J'avais noté son nom, Madame Gilliard, qui l'a traduit de l'anglais. Mais il est écrit en fait en allemand, parce que Nils Melzer, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Donc Nils Melzer, pour rappel, c'est un juriste. Il est professeur de droit dans plusieurs universités, à Genève et à Glasgow. Mais il a été surtout de 2016 à 2022 rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et les traitements dégradants. Et c'est en raison de ce mandat qu'il est entré en contact avec Julian Assange. Et c'est à la fin de ce mandat qu'il a décidé d'écrire ce livre. Parce qu'il avait découvert la torture de Julian Assange à travers son enfermement et son isolement, torture psychologique, et aussi parce que malgré son mandat de l'ONU, qui normalement lui donnait le devoir d'informer les États de ce qui se passait, il l'a fait, mais aucun État n'a jamais répondu au rapport qu'il leur envoyait sur la torture psychologique qui avait été celle d'Assange depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et donc, avant la fin de son mandat, il a décidé ce qui, dit-il... Donc, avant la fin du mandat de Nils Melzer... Oui, avant la fin du mandat de Nils Melzer comme rapporteur de l'ONU sur la torture, il a décidé ce qui, dit-il, n'est pas du tout habituel pour un rapporteur de l'ONU sur la torture, d'écrire un livre pour rappeler qu'il n'a pas été écouté par les États. Et en même temps, c'est un appel pour les citoyens, pour le public, de prendre conscience de cette situation et de prendre en main aussi... la tâche de faire connaître la situation de Julian Assange. Alors donc, comme il est allemand, sa langue maternelle c'est l'allemand, il a écrit le livre en allemand, il l'a lui-même traduit en anglais, parce qu'il connaît très bien l'anglais et qu'il pensait que comme il y a pas mal de termes juridiques dans le livre, c'était bien de le faire. Et pour le français, il a confié la traduction à quelqu'un, mais comme il parle bien le français aussi, il est suisse en fait. Il est suisse et donc il parle aussi, il est suisse allemand, mais il parle aussi le français. Il a revu la traduction et ça vient de paraître, c'est début septembre, c'était le 9 septembre, je crois que le livre est sorti en français pour la première fois. Et nous, on a pensé qu'il fallait... Nous, c'est qui ? Alors nous, c'est le comité Free Assange Belgium. On pourra parler après de qui c'est exactement. On a pensé qu'il fallait vraiment lancer le livre et le faire connaître, pas seulement le laisser sur les tables des librairies, qu'il fallait vraiment informer le plus largement possible de la sortie en français, parce que ce livre, c'est un livre très documenté. C'est un juriste, hein, c'est un professeur de droit, il connaît vraiment très très bien le sujet, et ça donne donc des arguments quand on est en discussion avec des personnes qui ne connaissent pas la situation et qui ont un peu envie de la connaître. On ne force personne à écouter, bien sûr. Ou des personnes qui la connaissent, mais par un biais détourné, qui ont été informées par de mauvaises sources, parce qu'on sait très bien qu'on a sali beaucoup le personnage de Julian Assange. Et donc, avec ce livre, on a en main vraiment quelque chose de très concret et de très documenté pour pouvoir discuter et avancer dans la connaissance de la situation et essayer au final de faire en sorte que ce procès soit arrêté parce qu'il est plein de vices de forme et qu'on obtienne la libération de Julian Assange. Ça, c'est l'objectif. Alors, ce n'est pas le seul livre, bien sûr, il y en a d'autres. Et je dirais que pour le moment, on a un panel de trois livres très importants. Un livre qui est sorti il y a à peu près un an en français aussi, hein, je parle toujours de l'apparition française, qui est Julian Assange parle, qui a été écrit par Karen Sharp, qui elle est américaine et qui vit à Paris, et qui l'a écrit en anglais, Julian Assange in his own word. Et là, ce sont des citations d'Assange. Donc là, on a Julian Assange qui parle lui-même, elle a répertorié des citations et classées sur différents sujets. Et quoi, t'en as une en tête ? Non, parce que ce sont des citations assez longues. Hein. Mais enfin, ouais, on ne sait jamais. Hein. Ouais, non, disons que le livre commence par... Toi, tu ne l'as pas lu Si, j'ai lu, mais... Et je mets d'ailleurs... Bon, j'écris un mail toutes les semaines pour informer sur les activités du comité. Et en tête, je mets des citations. Alors parfois, ce n'est pas une citation de Julian Assange, ça peut être une citation de Melzer, citation de John Pilger, des citations de personnes qui s'intéressent au cas de Julian Assange. Donc j'ai mis plusieurs citations, mais ce sont des citations assez longues. Franchement, je n'en ai pas une en tête. Mais quand même, le livre commence par une citation en disant que Julian Assange lui-même dit « Moi, je suis quelqu'un qui a voulu dire la vérité. » Bon, je n'ai pas la citation exactement en tête. Hein. « J'ai voulu dire la vérité, j'ai voulu informer les gens et on m'a privé de voix. J'ai parlé de la liberté et on m'a privé de liberté. En » fait. Donc, ce sont des citations comme ça. Mais il y a parfois des citations beaucoup plus précises sur la façon dont il travaille, par exemple. Et dont il travaillait quand... WikiLeaks, la création de WikiLeaks et comment il a géré tout ça. Voilà, oui, il y a tout un chapitre sur WikiLeaks, sur la raison de fonder WikiLeaks et comment WikiLeaks travaille. Donc, on y reviendra certainement après aussi. Hein. Donc ça, c'est un premier livre, Julian Assange parle. Celui-ci, donc l'affaire Assange de Niels Melzer, pour la documentation vraiment très précise. Et alors, il y a un livre qui a été écrit par Luc Verwaat et qui s'appelle « Ni parmi les vivants, ni parmi les morts ». Et qui lui parle du système carcéral aux États-Unis et de ce qui attendrait Julian Assange s'il était extradé, et qui fait le lien avec la situation des prisonniers dans le système carcéral américain, le système supermax, on dit, donc le système le plus dur, avec isolement complet et vraiment qui annihile la personnalité des gens. Quoi. On perd la notion du temps, toutes les notions qui font de nous des humains. Quoi. Ouais, comme il existe aussi ici en Belgique, hein, des cellules comme ça, mais j'imagine plus grosses parce que le nombre est plus grand là-bas peut-être. Oui, et puis c'est pire, ils vont vraiment très très loin dans la déshumanisation. Mais c'est vrai qu'on peut faire le lien avec la prison de Aachen. Il y a même eu des visites de je ne sais pas si l'Observatoire des prisons, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, qui ont critiqué la façon dont certaines prisons, dont certaines cellules de contention étaient faites à Aachen, parce qu'on attache les gens. C'est des situations, quand on est à l'extérieur, on ne peut même pas imaginer, quoi, parce qu'on a l'impression que si nous, on nous mettait dans ces situations-là, en 5 minutes, on est complètement fou. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont traités comme ça pendant des années, quoi. Et c'est important en lien avec Assange parce que certains avocats, pendant les audiences d'extradition, certains avocats ont parlé de la situation de leurs clients qui avaient été extradés. Par exemple, il y en a un, j'ai oublié son nom, hein, franchement, je ne peux pas vous dire son nom. D'autres personnes que Julian Assange, alors. Oui, c'est-à-dire c'est pendant les audiences donc d'extradition, donc les audiences qui se tenaient à Londres. Ce sont des audiences spéciales extradition, quoi. Oui, ce sont des audiences spéciales extradition, donc où Julian Assange est mis comme accusé. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas d'autres à ce moment-là. C'est-à-dire la défense d'Assange fait appel à des témoins. Et parmi les témoins, il y a des avocats qui viennent raconter ce qui s'est passé avec un de leurs clients qui a été extradé. Et notamment, il y en a un, l'avocat avait mis en avant qu'il ne pouvait pas être extradé pour des raisons de santé, comme ça a été le cas maintenant pour Julian Assange, parce qu'il était diabétique et que dans la situation des supermax, donc de ces prisons, il ne serait pas soigné. Et en plus, il avait déjà été amputé à cause de son diabète et il nécessitait vraiment beaucoup de soins. Les États-Unis ont présenté des garanties comme quoi il serait très bien soigné, qu'on s'occuperait de lui, etc. Au lieu de ça, et qu'il ne serait pas dans la prison, la pire. Au lieu de ça, dès qu'il a été extradé, au bout de quelques mois, il a été dans cette prison où on avait dit qu'il n'irait pas et on ne s'est pas occupé de lui. Et même, le pire, c'est que lors d'une audience, une juge s'est moquée de lui en disant qu'il ne savait pas se couper les ongles alors qu'il a un bras amputé, quoi. Et cette déshumanisation et ce ridicule, traiter l'accusé de ridicule comme ça s'est fait, eh bien, ça s'est passé dans le cas de Julian Assange avec la juge. Elle a aussi traité Assange, elle lui a dit « Vous êtes ridicule, vous êtes un narcissique, vous êtes insulté comme ça dans une procédure, ça c'est vraiment honteux. » Et enfin, pour en revenir à la question de l'extradition et pour des raisons de santé, les garanties qui sont présentées par les États-Unis, les témoins ont prouvé que ça n'était pas valable, puisque plusieurs fois on a extradé, et puis après ils ne tiennent pas compte de ces garanties. Et tout ça, on peut le retrouver dans ce livre, donc le troisième. Il s'appelle comment ? Ni parmi les vivants, ni parmi les morts, ceux qui attendent Julian Assange. Donc pour toi, Marie-France, moi je ne suis pas une spécialiste de la question, évidemment, Julian Assange, hein, mais je me suis quand même un peu renseignée, mais j'avais préparé toutes des questions là et j'ai oublié mes questions. Donc je retombe un peu sur mes pattes. Mais donc je te rencontre Marie-France, j'imagine, on a envie d'un peu savoir qui tu es, toi. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Bon, le comité Free Assange Belgium, d'accord. Quoi, il y a beaucoup de personnes? Comment ça se fait que tu fais partie de ça? Oui, alors le comité Free Assange Belgium, c'est une organisation, mais très, très, très floue. On n'a même pas on a élu personne pour s'en occuper. Enfin, il y a les gens qui s'en occupent sont les gens qui ressortent un petit peu de l'action et qui, pendant un moment, portent le comité. Et puis, ça change de temps en temps. Combien de personnes? Moi, j'ai envie de dire qu'on est concrètement les gens qui se rassemblent sur la place de la Monnaie. On doit être une cinquantaine, on est en général une vingtaine sur la plage chaque semaine, mais ça change un peu, donc je dirais une cinquantaine. Une fois par semaine d'office? Une fois par semaine d'office, oui, oui. Toute l'année? Toute l'année. Même pendant les congés? Oui. Mais ça, je vais expliquer. Parce que c'est vrai que c'est quand même, ça vaut quand même la peine. Et sinon, il y a des gens qui sont simplement abonnés à la liste mail. Et alors, il y a une page Facebook... Qui soutiennent, mais de loin, quoi. Qui soutiennent de plus loin, voilà. Mais comment c'est né, ce comité? C'est bête à dire, mais c'est né suite au début de l'histoire Assange, évidemment. Alors, c'est pas né au début de l'histoire Assange, parce que l'histoire Assange commence en 2010. Et là, je veux dire que parmi les gens du comité, très peu se sont intéressés avant, je vais dire, 2018-2019. À ce moment-là, la mère d'Assange, Christine Assange, a relancé un appel en disant « Mon fils est en train de mourir, il était à l'ambassade d'Équateur à ce moment-là et personne ne fait rien, il faut absolument faire quelque chose. » Et moi, je suis membre du cinéma d'attaque, Festival du cinéma d'attaque. On a décidé de faire en janvier 2019 une séance sur Assange en se disant « On verra bien, mais on va répondre à cet appel. » Une séance avec un film à l'appui, oui, ou pas? Oui, oui, on avait, oui, les séances du cinéma d'attaque, c'est toujours un film et un débat. Et c'était quoi comme film, du alors, coup? Alors, c'était quoi comme film? Il y avait une interview de Julian Assange à l'ambassade d'Équateur par John Pilger. Et l'autre, c'était un film qui est sorti sur Arte, alors je ne me souviens plus du titre exact. Je l'ai vu, celui-là. Mais c'est de Étienne Huver, il en a fait plusieurs. C'est quelqu'un qui suit Assange depuis beaucoup plus longtemps que nous et qui est un bon connaisseur, qu'il a rencontré plusieurs fois à l'ambassade d'Équateur. Et mais donc, du coup, c'est parce que l'histoire est vaste, hein, on va essayer d'avancer, mais du coup, vous faites le cinéma d'attaque, pourquoi? Pour rassembler les gens une toute première fois en Belgique? C'est un peu... on avait vu l'appel qui avait été lancé par Christine Assange, il avait été retransmis par Le Grand Soir, le site Le Grand Soir. On avait vu cet appel. C'est quoi le site Le Grand Soir? Alors, le site Le Grand Soir, c'est un site, un journal en ligne qui publie des articles sur proposition, c'est-à-dire on envoie des propositions d'articles et alors il y a une sélection qui se fait. Le fondateur, c'est Victor Dédache et Maxime Vivas. Donc vous avez vu cette annonce dans le journal? Quelqu'un du groupe avait vu cette annonce sur le site et on dit « Mais pourquoi ne ferait-on pas une séance sur Assange ?» On dit « Oh bah oui, est-ce qu'il y a des films possibles, etc. » On le cherche un peu, on dit « Oui, bon. » Et on n'était pas plus certain que ça, que ça allait attirer du monde. Sauf qu'on reçoit quand même l'aide de Victor Dédache et aussi de Michel Collomb, d'Investigation, qui nous dit ben, « Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à Christine Assange de nous envoyer un message de soutien pour dire « Voilà, vous faites quelque chose pour mon fils, c'est bien. » Et on l'a fait et on a reçu un message qu'on a transmis dans la salle. Donc il était en anglais, évidemment, on l'a traduit. Mais surtout, notre grande surprise, c'est que la salle était pleine. Il y avait aussi Rafael Correa qui pouvait attirer du monde, évidemment. On avait Rafael Correa, qui est l'ancien président de l'Équateur, qui est sous la présidence duquel l'asile a été accordé à Julian Assange à l'ambassade d'Équateur. Et donc ça faisait... Donc ça, c'est une première, parce que sinon on part. Hein. Moi, je oui. ressens... Ça, c'est une première d'un événement qui ferait que, ici en Belgique, les gens se mobilisent un peu et disent et soutiennent un peu la cause Assange. Oui, ça c'est très clair, parce que la salle était pleine, et dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui venaient par curiosité, qui connaissaient le nom mais qui n'avaient jamais rien fait. Il y avait quelques personnes qui étaient déjà allées à l'ambassade d'Équateur manifester et qui faisaient déjà des actions, mais de façon très individuelle. Mais toi, Marie-France, qu'est-ce que tu as à voir avec cette affaire Assange, toi? Oui. Mais voilà, moi, je n'avais rien fait jusqu'à ce moment-là. Et je me disais, au fond, c'est quelqu'un, il n'est pas si mal dans une ambassade. Franchement, à un moment, je me disais ça. Mais tu étais au courant de ce qu'il avait fait, tu connaissais son histoire, mais j'imagine pas plus que ça. Oui, c'est ça, j'étais au courant de Wikileaks et de l'importance que ça avait, mais je ne m'intéressais pas plus que ça. Et je ne me rendais pas compte, surtout, de la dégradation de la situation à l'ambassade. J'avais vu des films dans lesquels lui-même disait au début, quand il est au début à l'ambassade, il dit au fond, je suis dans une très bonne situation parce que je suis protégée et je peux travailler puisque j'ai des ordinateurs. Donc moi, pour moi, c'était pas si grave que ça. Après, l'appel de la maman m'avait un petit peu quand même, je lui ai dit oui, est-ce que la situation est vraiment si grave? Et puis à travers le débat après ce film, j'ai pensé, oui, c'est quand même beaucoup plus grave que ce que je pensais, et beaucoup plus important, surtout. Et qu'est-ce qui était plus grave? Est-ce que tu te souviens? Entre ton ignorance de l'histoire, sans plus, quoi, et puis qu'est-ce que tu t'en rappelles? Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de la réalité de ce confinement, finalement, parce qu'après, on a encore mieux compris, quand on a été nous-mêmes confinés, de ce que c'est que d'être à l'intérieur d'une petite pièce et de ne pas pouvoir en sortir, si ce n'est pour aller dans les pièces voisines de temps en temps, et en plus de voir mettre des cartons sur ses fenêtres pour ne pas être espionné, etc. Donc je me suis rendu compte de ce que ça pouvait avoir comme effet sur la personne. Et puis surtout, je me suis rendu compte que sans cet outil de Wikileaks et sans des gens comme Assange qui travaillent à transcrire ce que des sources, à authentifier des sources, à vérifier l'authenticité des documents transmis, etc., eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaîtrait pas. Et que si on ne connaît pas les choses, on ne peut rien juger, on peut pas prendre, et donc on ne peut pas prendre position. Et là, donc Wikileaks, rappelons un peu l'histoire. Wikileaks, c'est quoi? Moi, c'est Assange qui crée Wikileaks. Ils sont combien? Mais alors, Assange n'a pas créé tout seul, mais ça, franchement, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Il l'a créé avec quelqu'un d'autre qui a quitté par la suite, mais qui a créé d'autres organes du même genre aussi. C'est quoi Wikileaks? Mais la motivation d'Assange, de Wikileaks, en fait, c'est un journaliste, Assange. Hein, c'est un informaticien. Oui, voilà, un geek. Mais c'est aussi un journaliste. Et il se rend compte que, pour le journaliste, les sources, les lanceurs d'alerte, c'est extrêmement important. Mais que certaines personnes ont peur parce que, si elles sont identifiées, elles peuvent subir les contre-coups. Et donc, il se dit, en alliant l'informatique et son désir de protéger les sources, je vais créer un site sur lequel on pourra déposer anonymement les sources. Et au départ, c'est ça, c'est le Wikileaks, c'est déposer anonymement les sources et les documents, je veux dire, les sources déposent anonymement leurs documents. Et par la suite, le travail revient à Wikileaks de savoir si ce sont des documents authentiques et si ce sont des documents qui sont d'intérêt général. Parce que ça n'est pas non plus... On ne va pas publier n'importe quoi parce que simplement c'est vrai. Donc... Et il fait ce site et ça a tout de suite de l'effet, hein. C'est en 2006. Alors ils ont révélé des malversations au sein du gouvernement kényan, une énorme pollution au large des côtes de la Côte d'Ivoire et ça continue. Mais non, là, je n'ai pas suivi. Là. Qu'est-ce que tu veux ça, dire? C'est les premières informations que Wikileaks dévoile. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont des sources et ils ont des preuves à l'appui. Ça veut dire que comme ils sont des geeks, ils peuvent rentrer... Non. Voilà, justement, jamais il n'y a de hacking ou de pénétration par Wikileaks. Mais comment ils arrivent alors à avoir des preuves? Sur le site de Wikileaks, il y a un endroit où on peut cliquer et alors on a accès à un endroit, je veux dire, où on peut déposer des documents. Donc quelqu'un qui est lanceur d'alerte, qui a une information sur un sujet donné, peut aller déposer ses documents sur le site de Wikileaks. C'est comme ça que ça se passe, parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que Julian Assange avait réussi, alors je ne sais pas par quel procédé, hein, mais via informatique, à avoir je ne sais pas combien de fichiers qui expliquaient la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, toutes les magouilles, en fait, quoi. Et c'est pour ça que les États-Unis veulent sa peau, c'est parce que il a dénoncé tout ça. Oui, ça, c'est vrai qu'il a dénoncé tout ça. Mais les États-Unis essayent de dire effectivement que c'est par du hacking et de l'espionnage et du vol de documents. Mais ça, ce n'est pas le cas. Parce que, j'ai dit, les premières informations que Wikileaks donne, ce sont des informations importantes, mais qu'on oublie un petit peu rapidement, parce que ça se passe au Kenya, ça se passe en Côte d'Ivoire. Par contre, en 2010, quand il publie d'abord Collateral Murder, qui est une vidéo qui paraît en avril 2010, et puis un peu plus tard en juillet, des centaines de milliers de documents sur la guerre d'Irak, et puis un peu plus tard encore sur la guerre en Afghanistan. Là, ce sont des documents qui ont été transmis par une personne, peut-être il y a d'autres personnes aussi, mais massivement par Chelsea Manning. Chelsea Manning qui est, elle, la véritable lanceuse d'alerte, alors que quand Wikileaks a le document et l'analyse, la publication, bah, là ça se fait par des journalistes. Mais la lanceuse d'alerte dans ce cas-là, c'est Chelsea Manning, qui en fait à l'époque s'appelle Bradley Manning, et c'est un analyste de l'armée des États-Unis. Il a accès à tout. Il n'y a jamais eu besoin de craquer des mots de passe ou quoi, parce que son métier, c'est analyste. Et qu'à l'époque, bon, les États-Unis, sur un doute maintenant, c'est plus comme ça. Ils se méfient. Mais à l'époque, elle a accès à tout. Et la seule chose, elle raconte maintenant qu'à certains moments, c'est d'autres soldats qui passaient près d'elle. Ils disent, mais comment tu restes toute la journée à ton ordinateur comme ça? Elle disait, je télécharge les concerts de Lady Gaga. Et en même temps, en attendant, elle téléchargeait des documents. Mais pourquoi? Parce que, elle, son métier, c'était de classer des documents. Et donc, elle voyait passer des tas de documents sur... Donc c'est des gens qui sont au cœur du système, en fait. Et à un moment donné, ils se disent, bon, ben, y a quelque chose qui ne va pas, je le file à Wikileaks. Et donc, Wikileaks n'a pas les... c'est anonyme, quoi, quelque part. Et donc, c'est Assange qui, par la création de Wikileaks, qui est condamné, en fait. C'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai le souvenir aussi d'avoir vu ça dans un documentaire. On voit Julian Assange qui, à un moment donné, va, avec je ne sais pas combien de fichiers, les donner à un journal connu, anglais. Alors, oui, c'est-à-dire que donc... Je vais finir avec Manning parce que c'est un personnage extrêmement important. Hein. Son travail, parfois elle doit faire des relevés sur certains villages, des relevés géographiques, etc. et géométriques, j'ai oublié. Elle fait des plans, etc. Et puis elle se rend compte quelques jours après que ça a servi à faire des attaques. Et donc. Dans son procès, il a dit naïvement, je pensais qu'en publiant tout ça, les guerres, on pourrait arrêter les guerres. Et donc, elle a été condamnée, 35 années de prison. Heureusement, Barack Obama, au moment de sa... où il quitte le pouvoir... Je comprends pas pourquoi... Enfin, oui, je vais... Pourquoi on sait que c'est elle? Elle a voulu stopper les guerres, elle a été naïve, et pourquoi elle est condamnée? Tu vois, je vois pas le rapport. Mais parce que... Elle a donné les sources à... Et alors, elle, la première, au début, elle se dit, je vais donner ça à des journaux. Elle essaye deux journaux directement, deux journaux des États-Unis, mais ils refusent. Et alors, elle dit, Wikileaks, elle connaît de nom, elle ne sait pas trop ce que c'est. On dit, je vais essayer, elle l'envoie. Et puis alors ça va faire l'objet de beaucoup de... d'analyse d'abord pour vérification, par exemple la vidéo Collateral Murder, pour montrer que Wikileaks a vraiment fait un travail très sérieux. Ils reçoivent la vidéo, ils se disent est-ce que c'est intéressant, peut-être, on ne sait pas. Ils analysent vraiment image par image. Wikileaks, mais ils envoient sur place, Par exemple, Christine Rafson, qui est l'actuel rédacteur en chef de Wikileaks, va aller à Bagdad pour rencontrer des témoins, des survivants de l'attaque, des journalistes qui ont enquêté un peu sur l'affaire au moment où ça s'est produit. Et puis seulement après, ils vont décider de publier la vidéo. Et donc, c'est une vidéo qui va faire qui va avoir un énorme impact parce que, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a des crimes de guerre dans les guerres. Je pense que personne n'est naïf au point de se dire tout le monde respecte les droits de la guerre. Déjà que c'est un drôle de mot qu'il y ait des droits dans la guerre, mais bon. Là, on voit des gens, des soldats de l'armée officielle des États-Unis qui sont dans un hélicoptère et qui tirent sur des gens au sol, qui sont à plus d'un kilomètre, un kilomètre et demi d'eux, et qui sont comme dans un jeu vidéo. Enfin, on compare souvent cette vidéo à un jeu vidéo. Et alors, ils disent, il y en a un qui se relève, est-ce que je peux tirer? Oui, ah, je l'ai vu aussi, ça. Donc, c'est quelque chose de terrible. Et puis, donc ça, c'est en avril. Et quelques mois après, il va y avoir la publication de tous les documents sur que Manning a continué à envoyer sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces documents, après les avoir encore une fois authentifiés, Julian Assange a travaillé avec The Guardian. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à Londres, au siège de The Guardian, ils ont un bureau spécial qu'ils vont appeler le bunker. Et dedans vont y travailler aussi des gens du New York Times, des journalistes du New York Times et de Der Spiegel. Et ils vont travailler ensemble. C'est assez exceptionnel que des journalistes travaillent ensemble sur quelque chose qui est quand même un scoop. Mais ils vont travailler parce que les documents que Chelsea Manning a donnés sont des documents bruts. C'est illisible pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans l'armée presque. Mais tu sais, Marie-France, après tu vas peut-être me trouver. Je pense que si les gens veulent savoir, connaître l'histoire, il y a des documentaires, il y a, tu vois, tout ça, parce qu'on est occupé, on prend... Et des fois, oui. Il y a des livres, si vraiment on veut connaître tout ce qui s'est passé. Mais en gros, pour clôturer le sujet là, c'est qu'Assange, il a combiné avec des journaux super pointus, connus en Angleterre, et ils se sont retournés contre lui, quoi, en gros. Il y en a partout dans le monde. Hein. Le Soir et Le Monde ont aussi publié ces articles-là par la suite. Et après, effectivement, c'est ça qui est vraiment terrible, c'est que une fois que les États-Unis se sont retournés contre Assange, mais en même temps limités parce que au début ils se sentent, on ne peut pas attaquer un journaliste, il y a la liberté de la presse. Surtout qui a donné la vérité, on va dire. Oui, le premier amendement, tout ça, voilà. Et donc ils semblent abandonner la poursuite, même s'ils le font de façon insidieuse après. Mais ce qui est terrible, c'est que quand ils vont revenir à la charge, les journaux qui ont publié tout ça et qui ont fait des unes qui leur ont rapporté une audience extraordinaire vont le laisser tomber. Et là maintenant, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a très très très peu de journalistes et il n'y a pas de médias vraiment, de journal vraiment qui soutiennent Julian Assange vraiment de façon officielle. Oui, de médias, voilà. ou ça pourrait être quoi, ou de politiciens, ou j'en sais rien moi, ou de quoi. En fait, on n'entend pas vraiment parler de l'histoire Assange, mais des fois oui, ça revient. Il y a un film qui se fait, il y a un livre qui sort. C'est comme ça, c'est un peu bon, comme il y a eu depuis son arrestation en 2019 beaucoup d'audiences pour juger de l'extradition. À certaines des audiences, eh bien, on en parlait. Ça venait comme une actualité, quoi. Voilà, aujourd'hui, Julian Assange a encore comparu, etc. Mais c'est tout, il n'y a pas eu de... C'est vraiment ça, parce qu'après, c'est comment il s'appelle? C'est Christophe Marchand, son avocat ici en Belgique. J'aurais envie de... C'est vraiment ça, l'histoire de Julian Assange. C'est un brave type qui lâche... des infos sur ce qui se joue dans l'ombre, mais pas depuis aujourd'hui. Hein. À mon avis, c'est plus de la nuit des temps, hein, que les États ils peuvent aller se cacher quoi, avec leur saloperie qu'ils font. Voilà. Et donc, Julian Assange met ça au jour, au grand jour, avec des preuves à l'appui, c'est ça ? Oui. Et en fait, à la place de dire ce bonhomme est super... Il a mis en lumière quelque chose qui se tapissait dans l'ombre depuis plein de temps. Eh bien, il est non, on le punit, on le met en taule, quoi. C'est ça l'histoire. Mais oui, en gros, c'est ça l'histoire. C'est vraiment c'est une histoire aussi dramatique que ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a décidé d'informer les gens pour qu'ils puissent prendre en main leur sort et des décisions, qui veut dire tout. Mais il a pas fait ça intelligemment, quoi. Vous trouvez pas ? Enfin, tu trouves pas, Marie-France ? Je veux dire, aller donner les infos à un journal. Lui, c'est un journaliste, donc il a des infos. C'est pour ça qu'il a créé WikiLeaks. Oui, mais WikiLeaks, c'est pour obtenir des informations. Après, il faut les diffuser, parce que si WikiLeaks obtient plein d'informations et dit « Ah, nous, on a plein de choses, mais on ne vous les dit pas », ils font la même chose que ceux qui veulent cacher leurs secrets. Non, justement, lui, il veut que, après avoir obtenu les informations, elles soient diffusées. Ok, ouais, donc, voilà. Qu'il y ait une grande audience. Oui, il y a une grande audience. Et en même temps, je pense que le fait qu'il y ait une grande audience, il se dit que c'est une protection aussi. S'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, ce qu'il y a, ce que les États-Unis aient en ça, ils sont forts en fait. C'est que ce sont leurs secrets. Et surtout, ils sont dans des guerres qu'ils présentent comme des guerres humanitaires. Et là, ils apparaissent comme des bourreaux. Donc ça va pas du tout. Donc il faut faire taire WikiLeaks, il faut faire taire Julian Assange. C'est clair, c'est ça l'histoire. Ouais. Et comme WikiLeaks est un électron libre, c'est-à-dire qu'il ne dépendait pas d'un... Ben, ceci dit, peut-être même en dépendant d'une agence de journaux, je ne sais pas comment on dit. Enfin, il n'y a personne qui l'aide, quoi. Non, ils sont tout à fait indépendants. Ils ont juste. Ils ont leur siège en Islande. Et ils ont eu le soutien, par exemple, à un moment du ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Des choses, c'est un épisode intéressant, mais peut-être on n'a pas le temps d'en parler. Mais ils sont indépendants, ils sont complètement indépendants. Et ils disent, nous, on reçoit des sources, qui veut nous donner des informations, nous donne des informations. Si elles sont fiables et si elles sont intéressantes, on va les publier d'où qu'elles viennent. Maintenant, ils ne vont pas publier des informations qu'ils n'ont pas. Donc, c'est parce que parfois, on fait le reproche à WikiLeaks d'informer plus sur certains sujets que sur d'autres, mais ils informent avec les informations qu'ils ont en main. Ils ne vont pas en inventer d'autres ou bien même chercher à en avoir. Ils en ont suffisamment, je pense. En plus, il faut aussi faire le tri avec certaines fausses informations qui essayent de les discréditer, des choses comme ça. Donc, il y a un travail très, très intense qui est fait et qui continue, même si Julian Assange ne peut plus s'en occuper depuis qu'il a été arrêté en 2019. Alors, il y a peut-être deux choses sur lesquelles il faut revenir. D'abord, petite précision sur Christophe Marchand. Christophe Marchand est avocat de Julian Assange, mais ce n'est pas parce qu'il est belge et parce qu'il a une équipe en Belgique, c'est parce que Christophe Marchand est l'avocat de Julian Assange à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le cabinet de Christophe Marchand est spécialisé sur les droits de l'homme et donc travaille avec l'équipe des avocats d'Assange depuis déjà de longues années, mais leur fournit à l'équipe des documents, etc., sur la question des droits de l'homme. Et ils interviendront directement si le cas arrive à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est pour une précision. Ce n'est pas que Julian Assange ait une équipe en Belgique, une équipe en France, etc. C'est pour des sujets différents. Et alors la deuxième chose, c'était pour en finir avec la séance attaque et la fondation du comité. C'est que donc, non seulement il y avait beaucoup de monde à cette séance, mais en plus, les gens ne voulaient pas partir avant qu'on ait décidé de faire quelque chose. Waouh, là, tu reprends une conversation qu'on a eue au début, mais il faut un peu expliquer. Donc, tu as envie de reparler de cette première diffusion pour alerter sur le cas Assange, ici à Bruxelles. Oui. Et donc, Attaque diffuse un film, c'est ça ? Oui, mais c'est ça, parce que j'ai quand même envie d'en finir avec, en fait, de finir les informations sur le comité, c'est surtout pour ça. Donc, à la fin de la séance... Le comité Free Assange... À la fin de la séance, les gens disent qu'il faut faire quelque chose et donc on prend rendez-vous et on se retrouve et on fonde le comité. Donc ça, c'est en janvier 2019. Et qu'est-ce qu'on fait à l'époque ? On rédige un texte. Il n'y a pas longtemps, ça. janvier 2019, mais c'est il y a quand même, il y a... Si quelques compte, années. Il y a quelques années. Il y a en avril 2019... Il n'y a pas longtemps, quoi. En avril 2019, Julian Assange est arrêté, c'est-à-dire 4 mois après la fondation du comité. C'est juste que je voulais dire que le comité a été fondé avant l'arrestation de Julian Assange et son incarcération à Belle Marche. Au début... Oui, mais ça fait plein de temps que sa liberté n'est plus... Oui, mais vous jouez avec les mots, là, Marie-France. Non, parce que beaucoup de gens... Il est enfermé depuis je ne sais pas combien d'années, là. Il est enfermé depuis plus de... depuis 11 ans. En fait, la première arrestation, elle remonte à 2011. Et puis, il va à l'ambassade d'Équateur en 2012. Et il sort de l'ambassade d'Équateur en 2019. Déjà, sa liberté est punie. Alors, hein. Déjà là, sa liberté, oui, les gens qui comptent en jours, ils en sont à 4500 et des jours d'incarcération. Faire en année, c'est plus en plus de 11 ans. À Belle Marche, en avril, il y aura 3 ans et demi. Il y aura 4 ans, pardon. Il y a 3 ans et demi maintenant. En fait, il y a 3 ans et demi maintenant. C'est en octobre, le 11 octobre, il y aura 3 ans et demi. Et donc, le travail du comité au début, on se dit qu'on va faire un texte pour essayer d'interpeller les gens et de le faire signer par des personnalités, etc. Et puis alors, comme il est arrêté et placé en détention à Belle Marche, là, on change. Et il est arrêté le 11 avril. Et le 15 avril, on fait une manifestation devant l'ambassade de Grande-Bretagne, ici à Bruxelles. Et depuis ce jour-là, tous les lundis. Donc, Ok, ça c'est le comité Free qui est en mouvement. Mais toi, Marie-France, hein, des fois je tutoie, je vous vois, t'as vu, quand je suis pas toujours à l'aise avec ça. Mais c'est quoi le moteur de s'intéresser à cette histoire-là précisément? Ou bien tu t'intéresses à d'autres histoires Oui, je m'intéresse à d'autres histoires aussi. En fait, avant, je m'intéressais surtout à la fermeture des centrales nucléaires. Donc T'es un peu triste en ce moment parce que ça va se remettre en route là. Oui, c'est pas très, très très très encourageant ce qui se passe pour le moment. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de... Oui, mais en fait, moi, je m'intéresse surtout... Bon, il y avait le nucléaire et sur le reste, la question de la défense des services publics. Voilà, ça, c'était vraiment les deux points d'intérêt, en négligeant pas d'autres, hein, c'est pas ça. Mais enfin, Depuis longtemps ? Depuis longtemps, voilà. Depuis longtemps, c'était la défense des services publics et le nucléaire. Et à travers le cinéma d'attaque, comme ça, je sais, le festival, il a 22 ans, donc... Et je m'en occupe depuis le début, donc là on touche à tout. On touche à toutes les thématiques, l'Amérique latine, la Palestine, l'Afrique, on touche vraiment à tout. Donc j'avais quand même une vision un peu globale. Globale, j'exagère un peu surtout, on va dire. Mais voilà, avec des thèmes qui me tenaient particulièrement à cœur. Et au fond, après la séance Assange, c'est vrai que j'ai été un peu changée de voir par la réaction des autres, en fait. En voyant comment les autres étaient tellement... Je me suis dit... Quels autres tu parles ? Qui étaient dans la salle, donc le public de ce jour-là, de la séance. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ce que je crois. Et il faut vraiment faire quelque chose. Et puis, de toute façon, voilà, ils fondent un comité... nous, le festival d'attaque, on est un peu à l'origine puisque on a organisé la séance. Donc, il faut un membre du comité, il faut un membre d'attaque dans le comité. Je vais y aller. Et puis, à force de lire les textes pour rédiger ce premier texte d'appel, je me suis rendu compte de vraiment comme c'était important. Et c'est quoi qui était important en gros, qu'est-ce qui était important par rapport à une autre histoire? Parce qu'il y a plein... De lanceurs d'alerte il y a quand même des gens qui se font torturer je lisais aussi mais j'ai plus Amnesty International le prisonnement, la torture c'est Ali Arras qui est, il y a pas longtemps a été libéré qui a été combien d'années en prison? 12 ans, Ali Arras est resté 12 ans. Voilà, qu'est-ce qui fait que Assange... Bon, ok, moi je suis sûre que j'adorerais rencontrer Assange et lui demander est-ce que tu regrettes... est-ce que tu regrettes d'avoir balancé tout le truc, quoi? Hein, parce que c'est ça la raison. Oui. On ne peut pas répondre à sa place, bien sûr, ce serait ridicule. Mais quand il est incarcéré à Bellemare, il y a 3 ans et demi, donc, il écrit une lettre à un de ses amis et il dit « Je suis maintenant privé de parole, alors c'est à tous les autres de prendre la parole à ma place. » Donc, dans une phrase comme ça, on ne regrette pas. On demande simplement du soutien. Mais pourquoi il a tellement peu de soutien, je sais. Moi, c'est ça qui me sidère, tu vois, avec des avocats qui sont censés connaître les lois. Si ce type, il a vraiment, entre guillemets, fait quelque chose de bien, mais qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher, tu vois. C'est ça que je comprends. J'ai du mal à comprendre, tu vois. Je pense qu'il y a de mal. C'est normal d'avoir du mal à comprendre parce qu'en fait, il n'y a rien à lui reprocher. Je pense que vouloir informer les gens et vouloir leur dire la vérité, c'est en soi quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse reprocher à personne. Comment le système réussit à l'enfermer ? Moi, j'ai remarqué que souvent, il n'est pas le seul cas. Bon, les autres cas sont moins emblématiques, mais ça arrive souvent que le lanceur d'alerte ou celui qui dénonce se retrouve être emprisonné et on laisse. Je me souviens, il y a un cas dans la présidence de Biden sur une affaire de corruption. Je vais dire, c'est le principe, hein, parce que je ne me souviens plus de l'affaire en détail, où quelqu'un a dénoncé des corruptions et c'est lui qui est exclu, licencié, etc. Et les autres, il n'y a même pas d'enquête. Voilà, c'est ça. Mais le système est pourri, en fait. Et il faut être pourri pour être dans le système, quoi. Au plus t'es pourri, au plus ça marche, quoi. Alors, on aimerait bien comprendre les ficelles. Les ficelles qui font qu'un Julian Assange est. Le système réussit à l'enfermer, quoi. C'est ça. Comment ça marche, quoi. On aimerait bien comprendre. Mais tu disais que dans ce livre-là, mais toi, tu ne l'as pas lu, hein. Oui, l'affaire Assange, histoire d'une persécution politique. J'ai commencé à le lire, mais comme je l'ai reçu il y a quelques jours, je n'ai pas vraiment eu le temps de le lire en entier. Par contre, j'ai vu des interviews de Meltzer. Et donc, je sais qu'il est très, très, très, très, très, très informé. Et c'est vraiment très, très pointu ce qu'il dit. Comment on fait ? Simplement. C'est très clair ce qui s'est passé avec Assange. Quand les États-Unis se sont rendus compte que ce qu'ils disaient était dangereux pour leur pouvoir et pour leur puissance, il fallait l'arrêter. Le buter même. Hein. Il y a eu des attentats. Il y a même eu des discussions sur la façon de... Et il y a une vidéo, c'est terrible, où on voit des gens haut placés, hein, à la CIA, ou bien qui disent « Moi, je ne suis pas pour la peine de mort, alors une balle dans la tête dans la rue, c'est bon. » Enfin, c'est des trucs absolument abominables. Mais quand ils se rendent compte qu'effectivement, officiellement, comme c'est un journaliste, c'est un peu compliqué parce que les autres ont aussi publié, le Washington Post, le New York Times, ils ont publié les mêmes informations. Donc pourquoi pas eux ? Ils disent qu'ils vont abandonner, mais ils continuent en secret. Il y a 120 agents de différentes agences des États-Unis qui le surveillent en permanence. Et on commence à noircir le personnage et à faire en sorte qu'il n'ait pas de soutien. Et alors, ce sont ces histoires de « il est narcissique, il est égoïste ». Égoïste, il a lancé ces informations-là et c'est lui qui est puni. Et il le savait, ce qu'il risquait. C'est pas quelqu'un d'idiot, il sait très bien ce qu'il risque en faisant tout ça. Il y a les affaires où on l'accuse de viol. Bon, maintenant, on sait que c'est une arme qu'on utilise contre plusieurs personnes. Là, justement, Nils Melzer, qui parle aussi suédois parce que sa femme est suédoise. Le type qui a écrit le livre ici. Il y a un chapitre, lui, il a analysé tous les interrogatoires et des jeunes dames et d'Assange, etc., en suédois. Donc, c'est vraiment une histoire qui est montée pour lui nuire et pour que des gens se disent « Ah, oh, mais non, je ne vais pas défendre ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un... » Mais dans les sphères, je veux dire, tu sais, avocat, dans les sphères... tu vois, dans les sphères où on... Comment... C'est difficile de... Parce que monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, moi, en l'occurrence, toi, on peut avoir un avis comme ça, mais je veux dire... Après, il y a des avocats, ils font des enquêtes. Enfin, voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais oui, il y a des gens qui se laissent faire. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce sont les journalistes, toi, qui se laissent faire et qui commencent à diffuser des informations de ce type-là sur Assange, alors qu'ils savent que c'est quelqu'un qui est un journaliste d'investigation, qui fait un travail comme beaucoup d'entre eux font, et que donc s'il est poursuivi, ça va se retourner contre eux à un moment. C'est ça qui est incompréhensible. Mais pour ça va se retourner contre les journalistes, contre ça, les journalistes en général. C'est pour ça que ça se passe en ce moment. Hein. Oui, investiguer, ça craint. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est si important. Et c'est pour ça que je vais dire que c'est une des choses qui me tient le plus à cœur, parce que l'information, sans information, il n'y a rien qui peut se faire. Et je dis que avant, je m'intéressais au nucléaire, à la défense des services publics. Si on n'a pas une bonne information là-dessus, un bon travail de journaliste qui informe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut savoir, au fond ? On ne peut rien savoir et on ne peut pas faire connaître nos luttes. Donc, c'est vraiment fondamental d'avoir une très bonne information. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, j'investis plus, enfin, de mon temps sur Assange que sur les autres causes, parce que je me dis, c'est vraiment quelque chose de base que de défendre le droit de savoir, le droit d'être informé. Et d'ailleurs, nous, on parle plus souvent du droit à l'information que de la liberté de la presse, quoi. Mais du droit à l'information, vraiment du droit d'être informé. Et alors, je vais dire, Niels Melzer, il écrit ce livre aujourd'hui et il commence, il reconnaît que la première fois qu'en tant que rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, il est contacté par les avocats d'Assange pour aller le visiter à l'ambassade, sa première réaction c'est... Il y a tellement de gens qui sont torturés, je ne vais pas aller passer... C'est Niels qui dit ça. Donc ça, je crois que c'est vraiment important pour que les gens comprennent le mécanisme qui peut détourner parfois de cette affaire-là. Lui-même se dit, il y a tellement de gens qui sont torturés, je ne vais pas aller passer mon temps à interviewer quelqu'un qui est dans une ambassade au chaud et qui a tout ce qu'il veut. Et puis il y va, quand Assange est arrêté en avril 2019, il est recontacté, Niels Melzer est recontacté par ses avocats et il se décide à y aller en mai 2019. Et là, ça va tout changer parce qu'il dit à ce moment-là, je me suis rendu compte, mais non, ce type, il est torturé depuis des années, mais d'une façon insidieuse. Et Niels Melzer dit, la torture psychologique, c'est inventé pour, après la torture physique, quand vous n'avez pas réussi, vous prenez la torture psychologique qui pousse en général les gens à avouer. Bon, ici, ce n'est pas le cas pour Assange, ce n'est pas le faire avouer, mais c'est pour l'amoindrir, pour le faire craquer, en fait, pour qu'il baisse les bras et qu'il dise « bon, ça va, vous avez gagné ». Et donc, il change totalement. Et à partir de ce moment-là, il va s'investir énormément dans la compréhension de tout ce qu'il y a autour d'Assange. Et il va se rendre compte qu'effectivement, ben, ce sont... les puissants qui veulent le faire taire. Et pour le faire taire, ben, évidemment, il ne peut plus parler, mais il y a surtout, vous autres, n'écoutez rien de ce qu'on vous dit à son sujet. Oui, vous autres, les gens. Oui, voilà. N'écoutez rien de ce qu'on vous dit, que c'est intéressant, etc. C'est pas un monsieur intéressant. Laissez-nous faire. Parce que vous autres, les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les gens ? Ils aillent dans la rue manifester leur mécontentement. Comment tu vois les choses ? Ben alors nous, maintenant, je vais dire ce que nous, on a comme expérience avec le comité Free Assange Belgium. On fait ces rassemblements toutes les semaines. On en fait un devant l'ambassade de Grande-Bretagne une fois par mois. Je trouve où celle-là ? C'est près du rond-point Schuman, à l'avenue d'Auderghem, mais c'est vraiment le premier bâtiment qui donne sur le rond-point Schuman. On fait ça une fois par mois, le premier lundi du mois. Et les autres lundis, on se réunit sur la place de la Monnaie. Et alors là, on rencontre plein de gens. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on rencontre des gens qui ne sont pas des gens invités. C'est-à-dire, on n'a pas dit, on va faire une conférence ou un débat. Ce sont les gens qui passent, les gens qui rentrent du boulot, les gens qui ont été faire des courses, etc. Des étudiants qui rentrent de l'école. Et on leur parle. Et alors, c'est très important et très intéressant parce que parmi les gens, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Et qui acceptent de s'asseoir un petit peu, d'écouter, et qui après disent « bon ben maintenant qu'est-ce que je peux faire ?» Alors on distribue des tracts, on fait signer des pétitions, mais la pétition c'est surtout le moyen de discuter avec les gens, d'aller un peu plus loin. Et... D'accord, mais le fait de discuter avec les gens qui ne connaissent pas l'histoire ou qui veulent en connaître un peu plus sur cette histoire, fait que ça va changer là. Au moins, il y a plus de gens qui sont informés et surtout de gens qui sont informés du fait qu'on essaie de leur mentir au sujet de cette histoire. Et donc, moi je dis toujours que dans ma tête, je me dis que quand ces gens vont rentrer chez eux, Ils ont entendu Julian Assange et ils ont entendu une information à propos de Julian Assange. Et quand ils vont entendre son nom à la TV ou à la radio ou lire dans le journal, ils vont dire « Ah oui, c'est un rap. Les gens m'ont dit que... » Et je me dis « ça laisse des traces, quoi. Ce qu'on leur dit laisse des traces. » Et donc, c'est une base de soutien qui est peut-être un peu diluée comme ça, mais qui est une base de soutien réelle. Les gens commencent à s'informer. On leur donne des adresses de sites, etc. pour aller s'informer plus s'ils veulent. On espère qu'il y en a qui le font. Et puis alors, il y en a qui laissent leur adresse et il y en a qui vont revenir nous soutenir et donc qui vont aussi faire ce travail-là. Donc on grossit un petit peu. On n'a pas de médias en main, on n'est pas un journal, on n'a pas de radio, on a une page Facebook. Le comité Free, oui. À 100. On a une page Facebook. Mais je pense que ce travail qu'on fait sur la place de la Monnaie, c'est un travail d'information aussi. C'est un travail de sensibilisation, un travail d'information aussi. Et tant qu'il n'y a pas de grands médias pour le faire, heureusement, il y a des médias alternatifs qui aident aussi beaucoup. Mais tant qu'on n'a pas d'autres possibilités, c'est notre manière à nous de faire savoir. Et après, on fait de temps en temps des manifestations un peu plus importantes. On a fait une chaîne humaine autour du palais de justice et des choses comme ça. On organise bien sûr des débats et des films aussi. Il va y avoir une projection de film dimanche aussi au Nova. Et puis, Sur Assange ? Sur Assange, Hacking Justice, un film sur justement la détention à l'ambassade d'Équateur. Et on va présenter ce livre vendredi à la presse et au public en espérant que ça aura un impact. Et pour nous, oui, je veux dire, chacun doit faire avec ses moyens. Nous, on ne peut pas... Il y a des choses que l'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas la capacité de faire. Comme quoi, par exemple ? Ça pourrait être des choses de style de Greenpeace. Hein, changer vraiment radicalement les choses. Oui, quoi. Il y en a marre, oui. Ça fait plein d'années que ça dure. Oui, c'est certain. Mais voilà, on essaye d'avoir accès aux journaux, par exemple. Mais c'est tellement difficile, tellement difficile. Et donc, Vous faire entendre dans les journaux mainstream. Oui, oui. Et par exemple, il y a quelques années... il y a quelques années, mon fils avait dit on devrait mettre dans le coin de l'écran de la télévision, du journal télévisé, le nombre de jours d'incarcération d'Assange, comme on le faisait pour les otages, différentes reprises, pour des journalistes otages, quoi. Et rien que des petites choses comme ça, c'est vrai que ce serait important, parce que tous les jours, les gens y penseraient. Parce que franchement, c'est important pour tout le monde d'être informé. Parce que sans information, d'abord, on ne sait pas, c'est une première chose. Mais on peut aussi savoir des choses fausses, être mal informé. Oui, c'est ça que j'avais envie de dire, parce que si on entend ton message et que les gens réfléchissent pas plus, oui, il faut s'informer, mangeons de l'information. Mais ce n'est pas ça non plus, hein, parce que sinon, notre cerveau est retourné par une propagande qui raconte pas le réel. Oui, quoi. Oui, c'est ça. Et justement, Assange, ce qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas donner aux gens notre propre conclusion par rapport à des documents. Il faut que les gens puissent eux-mêmes comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est cette information-là de base qu'il faut donner, parce que si on sait ce qui se passe vraiment, à ce moment-là, on peut décider de ce qu'on fait. Je suis pour ou je suis contre. Ou bien, bon, ça m'est égal, ça arrive aussi, des gens comme ça. Mais on peut prendre position. Et quand on a pris position, alors là, on peut agir. Et il faut déjà bien comprendre ce qui se passe, quoi. Oui, hein, oui. Et ça, c'est la base. Bien avoir une bonne information pour bien comprendre ce qui se passe. Et là, dans l'affaire Assange, ce qu'on vise, c'est justement à ce qu'il n'y ait pas cette information-là. Il y a un mot qui est un mot moderne pour les ordinateurs, un formaté. Il y a l'information qui donne à réfléchir et l'information qui formate. Et cette information-là, il faut... C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas être formaté. Avant, on disait manipulé. Hein. On veut une information qui nous donne à réfléchir et qui nous permette de prendre position nous-mêmes. Merci Marie-France. Merci à vous.